Voilà, je vous propose dans un premier temps de voir un peu avant le procès avec la recherche de l'atteinte et ce qui fonde notre droit qui est le droit de la preuve et comment prouver qu'il y a une atteinte. Ce matin, on a parlé de l'identification des responsables de l'atteinte, donc on appréciera ça. Et on verra également pendant le procès cette dissociation ou cette alternative qui peut se présenter à nous, parce qu'on a parlé de reproduction partielle, totale, et dans le cadre de la reproduction qui peut être qualifiée de contrefaçon, on a une alternative entre la procédure civile et la procédure pénale. Donc on verra la conduite du procès avec cette recherche de la faute, du lien de causalité et du préjudice. Et on verra dans un troisième temps la problématique de l'exécution du jugement, parce que c'est bien beau d'avoir un jugement, mais c'est encore mieux de l'exécuter. Alors, avant le procès, rechercher l'atteinte, alors c'est effectivement cibler les recherches. On a parlé ce matin de Dailymotion, de YouTube, des sites de peer-to-peer. C'est également pour mettre des alertes en permanence sur Internet. Aujourd'hui, le moteur de recherche Google le permet avec certaines alertes qui peuvent être affinées de manière extrêmement précise. C'est également multiplier les mots-clés qui peuvent aboutir à l'œuvre par les différents moteurs de recherche. C'est également avoir une veille permanente sur Internet et sur les différents réseaux pour permettre aux internautes de dénoncer les utilisations, j'aime pas vraiment cette terminologie, mais elle s'apparente à ça aujourd'hui, de dénoncer les utilisations non autorisées grâce à des adresses e-mail facilement accessibles. Alors, prouver l'atteinte, elle peut être faite de différentes manières. Alors, la preuve est extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a un vrai contentieux de la preuve. Il faut savoir que ce que l'on privilégiera, ce sera, il a été évoqué ce matin, le constat d'huissier. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a quand même trois quarts des procès verbaux d'huissier qui sont déclarés nuls. Et parce que la problématique, c'est, et on le voit malheureusement très souvent, c'est qu'il manque toujours un élément dans le procès verbal qui va faire que si je me retrouve en défense, je vais mettre en avant le manquement de l'huissier et véritablement vicier la procédure. Alors rapidement, ça peut être l'oubli de l'effacement des fichiers temporaires, l'oubli de qu'on est passé par un proxy, les mentions par rapport en tout cas la suppression des cookies. Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qui aujourd'hui rend la tâche de l'huissier extrêmement complexe, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un technicien, c'est un juriste, et que véritablement aujourd'hui on lui demande d'avoir une compétence technique. Alors également se pose le problème, et on en a parlé ce matin, de la protection des données personnelles. Est-ce que l'adresse IP est une donnée personnelle? La Cour de cassation n'est pas allée dans ce sens. Évidemment, la CNIL, qui protège la loi sur les données personnelles, évidemment veut que ce soit une opinion différente. Aujourd'hui, analysant la jurisprudence de Bruxelles comme française, on s'achemine vers l'adresse IP sera une donnée personnelle, comme ça a été dit ce matin avec un numéro de téléphone. Bien évidemment, elle peut poser une problématique, c'est que l'adresse IP, comme on l'a dit ce matin, peut être modifiée. Adresse IP dynamique, anonymisation d'adresse IP, on passe par un proxy pour modifier son adresse IP. Alors qu'un numéro de téléphone, on a chacun un numéro de mobile. Jusqu'à présent, j'ai pas encore réussi à modifier le mien. Alors, je vous laisserai mes slides pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce point-là, sur les données personnelles, sur l'aspect qualification de l'adresse IP. Je ne rentre pas dans le débat contentieux, mais s'il y a des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Alors, identifiant des intervenants, ce qu'il faut savoir, c'est que les différentes lois ont eu du mal à préciser, une loi se veut à portée générale, elles ont eu du mal à préciser ces statuts, et aujourd'hui, on s'en aperçoit au niveau de la jurisprudence, c'est que soit on a un hébergeur, soit on a un éditeur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément aujourd'hui d'intermédiaires, et qu'on ne peut pas être tout hébergeur ou tout éditeur. Alors l'hébergeur, je vous ai mis la définition de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la loi LEN. Bon, vous voyez, en résumé, c'est celui qui va stocker. Alors que l'éditeur, c'est celui qui va, j'allais dire, faire les choix des contenus, ce qui est, vous le verrez, un peu antinomique. Alors l'auteur, rarement identifié, et d'ailleurs ce matin on n'en a pas parlé parce qu'on parle de loi Adopi, mais aujourd'hui il y a, je pense, dans la salle 90% d'auteurs ou de créateurs, le grand oublié de l'Adopi, il ne faut pas l'oublier, c'est l'auteur. Parce que vous m'expliquerez par rapport à cette loi comment l'auteur va pouvoir se prévaloir de ses droits par rapport à la loi Adopi. Pour l'instant, on a des syndicats, des sociétés d'auteurs bon, qui font soit leur travail, mais l'auteur individuellement a encore une fois été oublié. Bon, je fais juste... Alors, sur cet aspect de qualification, parce que c'est extrêmement important, il faut que je sache qui j'ai en face. Si par exemple j'ai eBay, qu'est-ce que c'est eBay ? Est-ce que c'est un hébergeur ? Est-ce que c'est un éditeur ? Et on va s'apercevoir, parce que le régime de responsabilité est extrêmement important, il y a un régime de responsabilité en cascade, je vais d'abord aller voir l'hébergeur, et ensuite si l'hébergeur, on le verra, n'a pas agi promptement ou n'a pas eu connaissance des faits, peut s'exonérer de sa responsabilité, dans ce cas-là, j'irai vers l'éditeur. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et le tribunal de grande instance est quand même assez, à des positions assez divergentes, suivant les chambres, en tout cas suivant les sections des chambres, et je pense notamment à la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, c'est que par exemple, eBay, dans des décisions, je vous ai mis les plus récentes, a eu une activité, un coup d'hébergeur et un coup d'éditeur. Alors au départ, on s'est dit, il est éditeur, puis après on s'est dit, peut-être qu'on a été un peu trop loin, et on est revenu un petit peu en arrière, on s'est dit, ben non, en fait, il n'a pas une vraie maîtrise des contenus, il n'a pas, bon, je sais pas, en tout cas, il apparemment ferait que stocker. Alors, j'ai du mal à comprendre le modèle économique d'eBay, mais pour moi, bon, il ressemblerait quand même un tout petit peu plus à un éditeur qu'à un hébergeur, mais vous voyez qu'en fait, c'est la problématique de la loi, c'est qu'on a quelque chose qui est vraiment antinomique. C'est soit l'un, soit l'autre. Et j'ai pas d'intermédiaire au milieu. Donc, la responsabilité limitée de l'hébergeur, oui, parce que l'hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a eu connaissance des faits litigieux, l'article 6 de la loi LEN, et par contre, responsabilité de plein droit de l'éditeur, qui a mis les contenus en ligne et qui a nécessairement la connaissance de ceci et qui doit en assumer la responsabilité. Alors, je vous ai mis quelques jurisprudences. Je le laisserai à votre disposition et on pourra de toute façon en parler. Juste tout à l'heure, on parlait d'intégrateur de liens. Il faut savoir que je pensais à l'affaire Fuzz notamment, qui avait indexé des liens sur un site. Le statut d'hébergeur avait été reconnu, d'ailleurs de même avec Google Vidéo, le statut d'hébergeur avait été reconnu. Alors... quelles conséquences en cas d'atteinte aux droits d'auteur ? Alors, ce qu'il faut savoir, et la jurisprudence c'est aussi à préciser le contenu, c'est que vous devez mettre en demeure l'hébergeur, dans un premier temps, de retirer le contenu. Alors, une fois qu'il y a une atteinte, par exemple, vous avez une vidéo qui est diffusée, vous êtes le titulaire de droit, et vous allez en fait mettre en demeure, avec une notification particulière, vous allez mettre en demeure l'hébergeur de retirer ses contenus parce que vous subissez une atteinte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette notification est extrêmement encadrée par la loi. On a l'article 6.1, alinéa 5 de la loi LEN, qui précise l'entièreté de son contenu, et je vais même aller jusqu'à, et on a vu l'affaire avec la FES, je ne suis pas l'avocat de la FES, mais l'affaire la FES contre Dailymotion, où véritablement il avait dit, ben voilà, mes œuvres sont en libre disposition sur Dailymotion, moi je suis producteur, je suis d'ailleurs membre de la SACEM, et mes droits, en tout cas il y a une atteinte à mes droits, et il était arrivé avec des bandes, je crois même des DVD, en tout cas des captures de ces sketchs. Il avait dit, voilà, moi je suis titulaire, je suis producteur, je suis la fesse, donc l'hébergeur devait agir en conséquence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette notification, il faut qu'on ait la localisation précise de l'atteinte. Ça veut dire, ni plus ni moins, soit c'est une adresse URL, en tout cas la précision de à quel endroit se trouve ce contenu. Alors vous devez avoir également les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, avec les mentions des dispositions légales, avec la justification des faits. Alors aujourd'hui, C'est vrai que tout un chacun peut le faire, mais il y a un tel contentieux, parce qu'après, à un autre niveau, on arrive rapidement sur la contrefaçon, il y a un tel contentieux sur cette notification que véritablement, j'allais dire, il est préférable de se faire assister par un professionnel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'hébergeur, donc l'article 6.1.2, ne peut voir engager sa responsabilité civile du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ses services si elle n'avait pas effectivement connaissance du caractère illicite, première chose, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, et la justification de la notification, dès le moment où elle en a eu connaissance, elle a agi promptement pour retirer ses données ou en rendre l'accès impossible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a une atteinte, on ne lui demande pas de qualifier les faits, mais on lui demande une certaine appréciation pour voir s'il y a une atteinte ou pas. Et à partir du moment où il en a connaissance de ça, il doit agir promptement pour suspendre l'accès ou en tout cas retirer le contenu potentiellement litigieux. Alors, j'allais dire, de mon expertise, c'est 50-50. Parce que parfois, on s'oppose à un hébergeur qui ne va pas agir promptement. Pourtant, on a fait les notifications, on lui a indiqué qu'il y avait un contenu, et véritablement, l'hébergeur continue à diffuser ou à communiquer au public le contenu présumé litigieux. Alors là, peu d'autres choix que l'application de la loi LEN et notamment une action en référé ou sur requête pour demander la suspension de la diffusion du contenu litigieux, également pour demander, ce qui est possible, à titre provisionnel, une indemnisation. Alors, référé, oui, dans certaines... dans un certain respect de la loi 808-809 du nouveau code de procédure civile, qui vise véritablement l'urgence ou l'évidence. Et je crois d'ailleurs que, oui, et j'allais dire fermeture du site, parce que, vous savez, c'est comme un film, comme en matière de cinématographie, en général, un titulaire de droit, ou en tout cas un co-titulaire de droit, dit, ben, moi, je ne vous ai pas cédé mes droits, vous l'exploitez sans mon autorisation. Une des premières choses qu'on a tendance à dire, c'est « moi, j'interdis la diffusion du site ». Et puis, deuxièmement, on dit « bon bah au cas où on n'interdit pas, je demande quand même réparation au titre de mon préjudice matériel et moral ». Et je dis fermeture du site, oui, parce que aujourd'hui, j'entrevois par certaines jurisprudences que les juges n'hésitent plus lorsque les atteintes sont manifestes. Je pense récemment à un portail qui faisait que de la contrefaçon d'œuvres, d'ordonner des mesures de fermeture de site. Alors comme je vous le disais, les procédures de référé nous le permettent. On peut aller demander une provision, c'est-à-dire que vous dites, voilà, moi j'ai subi des dommages et intérêts et j'ai peur que le contrefacteur se rende insolvable par la suite, donc je demande aujourd'hui l'exécution d'une indemnité provisionnelle. On peut avoir l'interdiction d'accès à Internet d'un abonné. Bon, elle a existé, on a déjà eu des décisions TGI Nanterre notamment, donc c'est pas impossible à avoir. On verra bien comment la loi Hadopi va organiser ça. Et on a également l'injonction de communication des adresses IP par requête par le biais des fournisseurs d'accès. Alors, pendant le procès, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est en reproduction totale ou partielle de votre œuvre, vous subissez une atteinte, votre œuvre est diffusée, musicale, cinématographique, audiovisuelle, s'offre à nous, donc une fois qu'on on s'est enquéri de la preuve, s'offre à nous deux possibilités d'action sur le même fondement. Vous avez l'action pénale, donc contrefaçon dans un aspect pénal qui va s'initier par le simple dépôt d'une plainte et qui va avoir l'avantage d'avoir des moyens, j'allais dire, d'enquête extraordinaire que nous, au civil, on ne peut pas avoir et qui présentera l'avantage d'être effectivement gratuite, parce que la justice est gratuite dans son administration, pas forcément dans sa représentation. et qui a le tort, par contre, cette procédure pénale, de ne pas sanctionner, en tout cas, de ne pas prendre en compte la réparation du préjudice subi, mais plus la sanction. Alors que la procédure civile, bah, c'est, j'allais dire tout le contraire, on aura la représentation obligatoire par avocat, on devra aller chercher cette preuve, alors que dans la procédure pénale, je veux dire, le travail d'enquête de police va véritablement s'enquérir de la recherche de la preuve, alors que véritablement, au procès civil, c'est nous qui allons chercher la preuve. On va devoir faire un constat d'huissier sur tel et tel site pour montrer qu'effectivement, vous avez bien subi une atteinte. Et ensuite, et c'est pour ça qu'il y a 95% des procédures qui sont en civil, on va demander la réparation du préjudice. Alors, au niveau de la procédure, il y a quand même un certain nombre de préalables, de savoir qui est le demandeur, qui est le titulaire de droit, savoir qui on va attaquer. C'est pas toujours évident lorsque, par exemple, ce que vous disiez ce matin, on a plusieurs, on a une vidéo qui va être intégrée sur un site, qui va elle-même faire un relais sur un autre. C'est pas toujours évident de voir qui va être le défendeur. Également, de prouver l'existence des droits sur l'œuvre. Ce matin a été évoqué l'aspect de l'originalité. Et dites-vous bien qu'à chaque fois, dans chaque procédure de contrefaçon, on nous attend au tournant sur cet aspect d'originalité. Donc Didier l'a très bien explicité ce matin. C'est-à-dire que, véritablement, je vais me poser la question de votre œuvre. Je vais dire, voilà, en quoi elle est originale. Et je vais le plaider, parce qu'aujourd'hui, ce critère est un critère requis devant les tribunaux. Et le défaut d'originalité, bien évidemment, rend l'œuvre non protégeable et rend toute la procédure nulle. Donc prouver l'atteinte également, donc extrêmement difficile. On va procéder à des comparaisons, ce qui n'est pas toujours aisé. Et on va évidemment appliquer la loi, les fondamentaux. On va faire ressortir le dommage et le préjudice. Et on va surtout travailler sur la réparation des préjudices, qui n'est pas toujours simple. Alors, juste à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde me suit? Ou est-ce que je suis tout seul à faire une conférence seul? Ou est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Au niveau de la preuve, au niveau de la conduite du procès? Parce qu'on peut faire un petit point, si vous le voulez. Juste une question avant d'aborder le problème des sanctions, de la suite du procès. Par exemple, des sociétés qui hébergent des fichiers qui sont situés à l'étranger, comme RapidShare ou Omega Upload ou des choses comme ça, qui proposent énormément de liens sur la blogosphère. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des recours? Comment ça fonctionne, quoi? Bah, la réponse va être très simple. Dès qu'on dépasse la territorialité française, on s'arrête. C'est relativement simple, qu'on soit au pénal ou au civil. Au pénal, nous, on nous dit, bah, attendez, il faut que je passe par des commissions rogatoires, que j'aille en Afrique du Nord pour aller chercher, et on s'arrête. Voilà, c'est assez simple. Bon, je ne vais pas vous le faire en prosé, mais et sur l'aspect civil, j'ai encore plus de problématiques. Alors après, ce qu'il faut, et on est vraiment dans ce contexte-là, parce que la loi Hadopi est aussi remarquée, en tout cas est aussi analysée au niveau de Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont avancées. Et véritablement, de toute façon, ça a été dit ce matin, Internet ne pourrait être régulé que dans quelque chose d'international. De toute façon. Parce que c'est ne pas comprendre Internet que de s'arrêter à un territoire. À une certaine époque, dans une certaine mesure, on avait les diffusions audiovisuelles. C'est-à-dire, on se mettait à la frontière, puis on captait les chaînes de l'autre côté. Bon, bah, c'était interdit, mais on a essayé de... Bon, voilà, ça touchait que des zones frontalières. Mais le problème avec Internet, comme ça a été dit ce matin, c'est que véritablement, vous avez une œuvre qui va être téléchargeable ou qui va être diffusée sur Internet, et vous touchez le monde entier très rapidement. Et c'est ça qui est fortement troublant. Donc oui, le problème, la problématique de la territorialité est un vrai problème en soi, et c'est la raison pour laquelle perdurent un certain nombre de sites comme Pirate Bay, comme RapidShare et autres, parce que véritablement, on n'a pas les moyens, légaux pour empêcher ces sites de diffuser. Alors maintenant, il commence de plus en plus à y avoir une collaboration internationale notamment en matière de police judiciaire, qui permet à certains sites, d'ailleurs certains sont fait condamner à des peines de prison ferme récemment, parce que voilà, il y a une vraie collaboration. Et je pensais d'ailleurs aux sanctions, parce que c'est mon sujet aujourd'hui. Rappelez-vous que la semaine dernière, il y a quand même eu une américaine, bon, vous me direz, elle était déjà en récidive, mais qui avait téléchargé 24 vidéos, 2 millions de dollars, la sanction. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un travail de prévention, parce que ce matin on disait oui, mais on n'a pas pris la mesure. Je pense qu'on ne l'a pas pris, c'est vrai, à 100%. Mais le problème aussi, c'est que, si vous voulez, c'est toujours sur les mêmes sur lesquels on tape. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça qu'elle s'appelle, je disais, elle s'appelle Adopi, cette loi. Mais parce que c'est véritablement, c'est ça. Il y a eu des mauvais usages de l'Internet qui ont été faits. Il n'y a pas eu de prévention, j'allais dire, éducation nationale. Et c'est malheureusement ces 10 cas dont on parlait ce matin, mais c'est ça qu'on avait en face. On avait des jeunes, souvent mineurs, qui avaient des milliers de fichiers. Et qu'est-ce que va faire le juge ? Qu'est-ce que mettez-vous pratiquement dans cette situation ? Vous avez un mineur de 13 ans, bon, il y a toute une procédure pénale qui a été à son encontre, et le juge est en face de... Il va retourner au collège pour suivre ses cours, ou alors il va intégrer la prison directement. Donc, c'est cette problématique aussi qu'on a en face. Parce que, évidemment, ça a été dit par Olivier ce matin, c'est... Je suis moins sûr que les téléchargeurs tout azimut soient des quadragénaires, quinquagénaires et tout cela. En fait, c'est une certaine population de l'Internet, une certaine population de la population qui a une vision de l'Internet voilà, comme elle l'a. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, peut-être que c'est aux industries à comprendre ce mouvement et à trouver un modèle économique. Soit. La licence globale, on en a parlé ce matin, et peut-être un moyen. Aujourd'hui, le monopole des droits exclusifs sur les droits patrimoniaux est un autre moyen, mais je pense qu'il y a sûrement une position intermédiaire qui s'appelle la licence globale mixte. Et ce qu'il faut, c'est faire un mix peut-être entre les deux. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, la loi Adopi, c'est la dernière loi de ce genre. J'en veux pour preuve Albanel, lorsqu'elle la loi a été promulguée, a dit « c'est la dernière loi et la prochaine étape » Alors, ça a été dit officieusement, mais la prochaine étape, c'est la licence globale. Alors, je ne sais pas si elle a raison, parce qu'elle est partie, mais en tout cas, il y a peut-être des questions à se poser. Alors, je suis d'accord aujourd'hui, j'en parlais avec certains à midi, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, vous preniez en compte, c'est que le lobby des télécoms est très fort en France, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a jamais réussi à taxer les fournisseurs d'accès, alors qu'on aurait pu le faire dans d'autres secteurs. Et si vous voulez, aujourd'hui, je trouve qu'avec l'Adopi, on leur a quand même mis un genou par terre, parce qu'on leur demande effectivement, alors ça a un coût en millions d'euros, mais on leur demande quand même de rentrer activement dans ce processus. Alors on verra quelle sera la collaboration, mais là je m'éloigne de mon sujet, là. Mais quelle sera la collaboration entre l'Adopi et les FAI ? Est-ce qu'on sera en version américaine avec un contrat entre les majors et, j'allais dire, l'Adopi américaine, où à chaque fois on dit, ben voilà, j'ai relevé l'adresse IP, donne-moi le nom. C'est quand même plus simple que de faire une requête, ce que nous on fait aujourd'hui, une requête devant le tribunal pour dire, fournisseur d'accès, je t'oblige à me donner les coordonnées de la personne et tu vas me les donner. Et ça me prend un an. Donc si vous voulez, effectivement, on verra comment ça se passe. Mais j'allais dire, et je pense qu'il y aura une position intermédiaire. Et y a-t-il d'autres questions ? Oui. Alors, en fait, je voulais savoir comment vous appréciez la territorialité d'un site internet ? Est-ce que c'est l'hébergeur ? Est-ce que c'est la cible du site internet ? Mais moi, à partir du moment où j'observe, alors il y a des track fields, hein. On va regarder exactement par où, quel est le chemin de diffusion d'une œuvre. Mais à partir du moment où j'ai quelqu'un qui diffuse une œuvre en France, alors que ce soit un hébergeur, que ce soit en tout cas un hébergeur qui héberge un site ou un éditeur qui stocke un contenu et qui diffuse l'œuvre, bah, à partir du moment où elle est régime de droit commun, à partir du moment où elle est en France, je considère qu'elle est en France. Parce que je vais constater que l'infraction est en France. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est effectivement, et on le verra Très certainement, parce que tout à l'heure je faisais le parallèle avec les jeux d'argent, mais on n'est pas très loin non plus sur l'ouverture des jeux d'argent avec les sites illégaux qui offrent des paris en ligne. C'est que le parallèle, en tout cas la parade à ça, c'est de prendre un fournisseur d'accès étranger et j'ai réglé mon problème. Mais je ne devrais pas vous le dire, mais c'est résoudre ce problème. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une convergence entre les télécoms mobiles et les télécoms fixes, puisqu'aujourd'hui tout passe par VoIP, donc par Internet pour faire gros. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec notre mobile, aujourd'hui, on a l'Internet et que avec tous les nouveaux mobiles, c'est carrément, j'allais dire, votre fournisseur d'accès. Donc vous allez avoir des offres. Aujourd'hui, ça commence à être fait. Vous allez avoir des offres européennes et internationales et votre fournisseur d'accès va être n'importe où dans le monde. Ce qui va encore complexifier la chose, puisqu'aujourd'hui, l'hébergeur, s'il est à l'étranger, j'ai du mal à faire appliquer, en tout cas, je ne peux pas faire un principe de droit commun, je ne peux pas faire appliquer la loi française puisqu'il est à l'étranger, mais par contre, ce que je peux faire, ce qui est très difficile à faire, mais qu'on essaye de faire, c'est que je peux demander au fournisseur d'accès de couper les robinets pour ne plus avoir la connexion de ce site avec les sites français. Ça, je sais faire. Mais si effectivement le fournisseur d'accès est à l'étranger, l'hébergeur étranger, l'éditeur étranger, c'est pas facile. Et si en plus il est malin et qu'il s'est anonymisé avec son adresse IP, ce qui n'est pas compliqué en soi, à vrai dire, hein, c'est encore plus difficile. Mais là, je parle aux informaticiens. Je crois que j'ai pas été précis, si. Si, d'accord. Oui, pardon. Ces questions d'extraterritorialité ne sont pas nouveaux. Rappelons-nous des radios libres et Radio Caroline, qui émettaient en eau internationale dans la Manche. C'est exactement la même problématique. Voilà, donc après, si le cargo rentre effectivement dans les eaux territoriales, il peut être arraisonné, mais sinon... Entièrement d'accord. Et aujourd'hui, le problème d'Internet, c'est la globalisation. C'est ça. Et toute la problématique... En même temps, c'est un outil de communication extraordinaire. N'oubliez pas que l'Internet... La légitimité, en tout cas la créativité de l'Internet, ça a été la communication entre les universités américaines et d'échanges de contenu. En tout cas, d'échanges d'informations et de contenu. Donc, véritablement, on était dans les années 60 avec ce concept-là, qui a été repris par les militaires. Mais on était dans cet échange d'informations. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ni plus ni moins que l'extension d'un régime qui avait été conçu pour ça à l'origine. Alors, pour reprendre... Oui, pardon. Oui, j'avais une petite question. On a parlé d'adresse IP, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur peer-to-peer et aspect juridique ? Peer-to-peer et aspect juridique ? Bah, dans ce cas-là, je vous ferai une consultation tout à l'heure en sortant, parce que, à moins que toute la salle veuille que je le fasse. Bah, peer-to-peer... L'état des lieux ? Bah, on n'a pas... On a très très peu, voire pas de jurisprudence sur le peer-to-peer. C'était une belle loi. Maintenant, si vous voulez, par rapport au peer-to-peer, on s'est tellement posé de questions, de qualification de l'adresse IP, d'annulation, même la SACEM a fait partie de la fête, d'annulation de constats, soit d'agents SACEM, soit d'agents APP, que véritablement on s'est posé la question de la qualification de l'adresse IP en données personnelles ou indirectement nominatives, et que en fait tout le débat a véritablement eu lieu là-dessus. Donc il y a eu beaucoup de jurisprudence, et puis lorsqu'on s'est vraiment posé, depuis d'ailleurs, on a la même chose avec Adopi, lorsque la loi d'AFSI s'est posée la question du peer-to-peer, on était déjà passé à autre chose, puisqu'on était déjà sur les plateformes Web 2, on était type YouTube, Dailymotion et ses amis, et à vrai dire, le peer-to-peer avait perdu véritablement de son actualité. Alors, pour revenir... Excusez-moi, oui. Juste une petite question, c'est justement ces questions de territorialité qui font que des sites comme Imul Island existe encore ? Ben, le problème, c'est qu'Imul n'existe pas. Sur qui on tape ? Sur les internautes. Donc à partir du moment où Imul, ce n'est qu'un logiciel d'échange de contenu. Non, mais je parle du site Imul, à Imul Island, qui permet, une fois qu'on a le logiciel de peer-to-peer Imul, d'aller chercher tout ce qui vient de sortir avec indiqué DVD-RIP dessus. C'est légal ? Mais c'est le même... Moi, de ce que je sais, enfin, mais je pense que monsieur Maître répondra mieux que moi, mais les sites qui offrent des liens ou qui offrent le logiciel Emule en téléchargement, Emule en soi n'est pas illégal. Le P2P, c'est pas illégal. Donc après, le fait que tu trouves des liens sur des sites, bon, on pourrait citer par exemple, il y a aussi le Torrent, parce qu'Emule, c'est en train de... C'est, Torrent, c'est plutôt le truc actuel. Il y a des sites comme Mininova qui offrent des millions de liens, mais il n'y a pas un seul contenu là-dessus. Donc j'imagine que ça pose des problèmes juridiquement, parce que c'est juste, en fait, des fichiers par exemple Torrent qui te permettent de te connecter entre avec les autres pierres, en fait, c'est tout quoi. Donc... C'était présenté comme un magasin, comme un site de la FNAC ou autre quoi. Oui, mais alors tout le débat, c'est l'affaire Casa et toutes celles qui ont suivi, c'est de dire est-ce que ce logiciel que je vous propose, et Casa s'est fait alpaguer par la Cour suprême américaine, c'est de dire Casa, oui, vous pouvez télécharger illégalement avec mon logiciel. Et c'est là où véritablement le bas blesse, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un outil technique, mais pas, je veux dire, qui l'a en toute neutralité. Après, ça m'étonnerait qu'Emule dise vous pouvez télécharger illégalement. En général, surtout à l'heure actuelle, ils se méfient de ce genre de situation. Par contre, on voit effectivement un certain nombre de forums qui vont vous dire bah oui, si tu veux télécharger telle ou telle musique, passe par BitTorrent, passe par Pirate Bay et autres. Et même d'ailleurs, on a des pieds de nez, ça vient de ces pays du Nord, puisque le jour où a été promulguée la loi Adopi 1, le lendemain, Pirate Bay disait vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème avec moi. Encrypte la connexion. En tout cas, pardon, encrypte le transfert de flux. Et si jamais il y a besoin, on anonymise les adresses IP et de toute façon, on les garde chez nous. Donc, si on nous demande à nous, de toute façon, on ne les communiquera pas. Donc, on avait déjà résolu en partie la problématique de l'Adopi. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, et là, on revient à l'aspect informatique, c'est que vous inventez quelque chose, de toute façon, on pourra, je pense au logiciel, vous prenez un système de sécurisation, de toute façon, on pourra le craquer. Et aujourd'hui, c'est ça, Internet, on invente quelque chose, et de toute façon, on a le remède pour faire le process inverse. Et c'est l'esprit de l'informatique, c'est l'esprit de l'Internet, et c'est dans ça qu'on est. Et c'est vrai que, bon, je connais très bien la quadrature du net, on est dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye, et pour nous juristes qui ne sommes pas techniciens, c'est extrêmement difficile d'appréhender l'aspect technique. Il faudrait qu'on ait un ingénieur à chaque fois qui nous dise, à chaque fois qu'on pose une règle de droit, qui nous dise, ah ben non, là, c'est pas bon, on rectifie. Et c'est la raison aussi pour laquelle on essaye de faire, en tout cas, ils essayent, le législateur essaye de faire, des lois à portée très générale, avec des décrets d'application à portée très précise. Mais c'est évidemment pas évident et de toute façon, je crois qu'on n'y arrivera jamais. C'est un leurre. Bon, je vais reprendre. Je veux juste dire qu'en fait... Vous avez prévu combien d'interventions L'aspect technique, c'est aussi l'aspect artistique. Parce que l'art, c'est la mise en œuvre d'une technique. Donc l'art du net, c'est aussi cet aspect technique. Et cet aspect technique, c'est tout ce qui fait la beauté de l'Internet. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si on ne comprend pas, ben on aura beau essayer de contrarier l'aspect technique et donc l'aspect artistique, et ce sont les auteurs qui ne vont pas être compris dans cet écosystème créatif. Donc la relation entre la technique et l'art participe des règles de l'art de l'Internet. Alors, à moitié d'accord et à moitié pas d'accord. À moitié d'accord, oui, la technique aide à la création. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça m'arrive aujourd'hui dans une affaire contre un gros constructeur d'aviation et un créateur d'avion, un créateur 3D, un infographiste créateur 3D de modèles d'avion. C'est que et d'ailleurs on a perdu en première instance, et c'est pendant devant la cour d'appel de Paris, c'est de dire est-ce que c'est pas ce logiciel et ces outils techniques qui m'ont permis d'arriver à cette œuvre, est-ce qu'elle est œuvre de l'esprit, mais à cette œuvre, ou en tout cas que moi je considère cette œuvre, et quid de l'originalité? Et les tribunaux aujourd'hui, je pense notamment à de la musique, vous avez aujourd'hui des logiciels extrêmement performants qui vous permettent de faire de la musique que je trouve de qualité, mais véritablement, Didier le disait très bien ce matin, où est l'originalité ? Parce que moi, si je vous démontre que vous avez fait une mélodie avec une certaine rythmique, avec un certain, avec une certaine composition qu'on peut retrouver dans les macros du logiciel, l'originalité, elle est nulle, quoi. Voilà. Donc technique, oui, mais vraiment au service de la création. Oui. Mais je clôt le. Je suis deuxième partie. Alors, mais c'est intéressant. Moi, je préfère le débat avec la salle que de vous faire les slides. Alors, conduite du procès, oui. Vérifier l'intégrité des constats d'huissier, oui. Comme je vous dis, trois quarts des constats d'huissier. Alors, si vous êtes en défense, c'est un argument fort. Je pense au niveau des contrefacteurs, de dire, voilà, ou les constats faits par les agents assermentés, il y a un vrai contentieux. Favoriser autant que possible les sources officielles, oui. S'assurer que les pièces produites ne peuvent pas être retournées contre soi, malheureusement, ça arrive, parce que ça, c'est. On a souvent l'impression que les certains titulaires de droit se créent la preuve à eux-mêmes. Et miser sur la qualité plutôt que la quantité. Alors. Conduire le procès, c'est démontrer donc l'étendue du préjudice. Alors, distinction entre préjudice matériel et préjudice moral. Et également, parce que la loi d'octobre 2007 nous permet de le faire avec ce fameux droit à l'information, tenter de communiquer de force les pièces du contrefacteur. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un site qui diffuse de la musique. Et ben, lorsque on va faire un constat d'huissier, on va saisir le tribunal parce qu'il y a une vraie atteinte. On va dire oui, mais combien de fois ce site a été visualisé par telle personne ? Donc véritablement, aujourd'hui, on a une arme qui est ce fameux droit à l'information. C'est-à-dire que j'ai le droit par la loi du 27 octobre 2007 de aller chercher la preuve de ces téléchargements. Alors je vous rassure, c'est extrêmement difficile de le faire. C'est la raison pour laquelle aussi, on le verra après, les juges français, à la différence des juges européens, réparent le préjudice de manière souveraine. C'est une espèce de global. Ce qui pour moi me dérange quand même quelque peu. Alors. Aujourd'hui, donc, j'ai pris les statistiques qui sont sorties de mai 2009 sur l'évaluation du préjudice de la contrefaçon. Alors, on a quatre possibilités. La première est assez communément acceptée par les juges. C'est le contrefacteur a fait une certaine marge, je veux récupérer cette marge. Deuxièmement, c'est il a fait une marge, mais moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait une autre marge. Et troisième point, c'est je sanctionne le principe de l'atteinte à mes droits en tant que titulaire de droit. Et quatrième, sanction de principe aggravée en raison de l'identité du demandeur, du défendeur et du secteur d'activité des parties. Alors, moi, je ne suis pas. Et pour avoir parlé récemment à certains magistrats de la Cour d'appel de Paris, je ne suis pas défavorable aussi, parce que là, bon, c'est les quatre cas qui ressortent de la jurisprudence, par analyse de la jurisprudence, je ne suis pas défavorable au fait qu'on puisse avoir une réparation de votre préjudice à hauteur d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, et non pas sur la marge. Parce que la marge, ça veut tout et rien dire. Alors que sur le chiffre d'affaires, véritablement, oui, là j'ai une vraie base de calcul. Et aujourd'hui, je pense que ça passera dans les années à venir. Je pense que la Cour de cassation aura à se poser la question. C'est d'un pourcentage, voire pourquoi pas de l'intégralité du chiffre d'affaires du contrefacteur, en admettant qu'il ne fasse que la contrefaçon de vos droits. Alors comme je le disais, donc devant les juridictions civiles, et malheureusement, on a une appréciation souveraine des juges du fond. Je le déplore, oui, parce que en fait on s'aperçoit qu'on a un transfert économique du contrefacteur vers le demandeur. C'est-à-dire que le contrefacteur, vous avez gagné tant, bah, je veux avoir cette même chose. Alors que sur des approches plus européennes, moi qui vois ça un peu plus de Bruxelles, et d'ailleurs le Conseil de la concurrence dont les décisions des frais laconiques, vous avez, avec ces affaires de SFR, entente illicite et autres, vous avez des vraies décisions avec des vraies réparations de préjudice et qui sont des dommages et intérêts punitifs ou dissuasifs. Ce qu'on aimerait faire intégrer aux magistrats français pour que véritablement on ait des décisions qui ressemblent vraiment à réparation du préjudice, mais pas qu'un transfert économique. Et ça, pour nous, ça, c'est ce que l'on souhaite pour les atteintes aux droits. Alors sur l'évaluation du préjudice, bon, mais on en a parlé ce matin, donc 300 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour l'aspect pénal. On a vu avec et on verra donc avec la loi Hadopi également des sanctions sur la suspension d'internet. Je pense que ça posera une vraie problématique et je pense qu'il y aura un vrai cas de conscience du juge de dire soit je suspends Internet, soit je le suspends pas. Je faisais le parallèle ce matin parce que je crois que c'est 1 million de personnes, je ne vais pas me tromper, mais 1 million de personnes qui roulent en France sans permis. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser aussi de la manière dont... Alors j'ai pas de jugement là-dessus parce que je ne connais rien en prévention routière, mais il y a peut-être des modalités à avoir, et notamment par rapport à ce droit au travail qui est un droit fondamental, Convention internationale des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, droit au travail, j'ai le droit à travailler, et prendre sa voiture et son permis de conduire. Donc je vous dis, hein, la semaine dernière, le Conseil d'État a pris une décision inédite, jamais, jamais on a eu cette position du Conseil d'État qui a dit, ben oui, il doit travailler. Donc on prévoit des modalités... alors que son permis avait été suspendu, on prévoit des modalités d'utilisation de sa voiture dans le cadre de cette suspension. Donc vous voyez, valeur très forte. Et je pense qu'avec la DOPI, et c'est ce qui a posé la question, je pense c'est cette vraie question qui a été soulevée par, qui a motivé la décision du Conseil constitutionnel, c'est de dire oui, le droit Internet alors, est un droit essentiel, mais moi je vais plus loin, est un droit fondamental. Alors, j'arrive sur la fin. Pendant le procès, autre sanction, le remboursement des frais irrépétibles, notamment les frais d'avocat pour pouvoir se défendre, les frais qui ont été avancés pour les constats d'huissier, les frais de justice et autres. Oui, on a l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui le prévoit. En règle générale, parce que sinon ça n'a aucun effet, on demande le retrait sous astreinte de si c'est une vidéo de la diffusion de la vidéo par exemple par jour de retard. On demande également la communication d'informations, ça peut être le nombre de clics, ça peut être le nombre de ventes, ça peut être un certain nombre d'informations, ce qui est demandé également. Ce qui peut être très fortement dommageable et souvent qui défraye la chronique, c'est la publication judiciaire de la décision. Parce que parfois, pour certains sites, se faire condamner, c'est pas une problématique en soi. Par contre, que la publication, qu'on dise, ben celui-là, il est véritablement mauvais et il respecte pas la loi dans certains cadres, peut être plus problématique que, juste une réparation des préjudices. Et dernier point qui est régulièrement demandé, c'est l'exécution provisoire de la décision. Oui, j'ai eu gain de cause en première instance, je demande à ce qu'on exécute la décision, ce qui n'est pas toujours facile à avoir. Alors je vais terminer rapidement, à moins qu'il y ait encore des questions sur cet aspect-là. Mais sur l'aspect après-procès, je vais le résumer comme ça, c'est bien d'avoir une décision, c'est bien d'avoir fait condamner la personne qui a porté atteinte à vos droits, mais c'est encore mieux de faire exécuter la décision et d'avoir, l'indemnisation pécuniaire de votre, ou en tout cas l'exécution définitive de votre décision. Voilà, j'en termine par ça. J'ai essayé d'être exhaustif par rapport au métier que l'on rencontre. J'allais dire que l'on soit à la défense des droits des auteurs, en tout cas, ou des titulaires de droits, il y a certains préalables à avoir, il y a un certain prérequis dans chaque cas. Et de l'autre côté, du côté défendeur également, un certain nombre aussi de possibilités de... j'allais dire, de faire valoir certains contentieux. Je pense notamment au contentieux du droit de la preuve et sur les différents constats d'huissier. Voilà, j'ai essayé de... Merci beaucoup. Très bien.